Olá a todos, eu sou o Micael Ferreira, estou com vocês aqui na Rádio Arconcelo para vou dizer que no dia 30 de junho vou estar em Ferreiras do Breia para a festa de Santos Popular. Conto com vocês. Tu laisses fondrer après tu te lèches les doigts. Toi et moi, c'est ganache et biscuit mélangé. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia, Livia, Livia, je n'ai qu'à m'en attirer si tu t'occupes pour toi. Livia, Livia, je n'ai qu'à m'en attirer et je fonds. Comme ça, tu jettes sur le toit de l'opéra. Cacao et café, tu n'y résistes pas. Toi et moi, c'est ganache et biscuit mélangé. Toi et moi, c'est que du bonheur à pâtisser. Livia, Livia. Olivia, toi et moi ensemble, on va s'amuser. Olivia, qu'est-ce que tu attends pour m'aromatiser? Olivia, toi et moi ensemble, caraméliser.